Eh oui, on est comme ça chez Ixina. C'est nous qui nous adaptons à votre budget cuisine et pas l'inverse. Et pas besoin de négocier, nous pratiquons le prix le plus juste. Ixina, oui à vos rêves. Ixina, réélu meilleure chaîne de magasins de l'année. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Marseille, 1973, quand le racisme tue en toute impunité. On peut perdre quelqu'un par maladie, par accident, mais cette douleur d'un frère qui a été assassiné, non. Non, et en plus, il n'y a pas eu de justice derrière. On a tué un arabe, c'est tout. Début des années 70, cela fait une décennie que l'Algérie n'est plus française. Mais la guerre est encore dans tous les esprits. Dans les Bouches-du-Rhône en particulier, autour de Marseille, où se sont installés des travailleurs immigrés algériens et des rapatriés d'Algérie. Une communauté qui n'a pas pansé ni ses plaies, ni ses rancœurs. Et alors que les travailleurs immigrés revendiquent des conditions de vie dignes, l'extrême droite française tempête pour que soit stoppée l'immigration qu'elle qualifie de sauvage. Dans ce contexte, un drame, le meurtre d'un chauffeur de bus marseillais par un Algérien met le feu aux poudres. En l'espace de moins d'une semaine, 7 ressortissants algériens sont assassinés. Ces meurtres et les autres agressions racistes subies pendant les mois qui suivent par les immigrés maghrébins en France vont rester impunis. Notre invitée aujourd'hui, Dominique Manotti, historienne, elle est surtout autrice de romans policiers. Elle a plongé son héros, le commissaire Daka, dans cette période trouble, justement, et en a tiré un polar intitulé Marseille 73, directement inspiré des faits que nous allons vous raconter. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Sylvie Fagnard, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Une canicule étouffe la France en cette fin août 1973. Dans le midi, le mercure dépasse souvent les 35 degrés, et ce depuis le pont de l'Assomption. Mais le coup de chaud a commencé en réalité juste avant l'été, et pas seulement sur le plan météo. À l'époque, l'extrême droite en France n'est que groupusculaire, mais active. Et peut-être exerce-t-elle finalement une vraie pression sur le pouvoir gaulliste. Toujours est-il qu'à l'automne 72, sont publiées les circulaires Marcelin Fontanet des noms des ministres de l'Intérieur et du Travail. Leur objectif, exercer un contrôle drastique des personnes immigrées. Il sera dorénavant obligatoire pour toute personne étrangère résidant en France de présenter un contrat de travail en bonne et due forme et de bénéficier d'un logement décent. Deux conditions sine qua non pour être régularisées au terme de cette nouvelle procédure. Sinon, ce sera l'expulsion, entrée en vigueur de la mesure prévue à l'été 73. Au début juin de cette année-là, nous sommes donc à quelques semaines de l'échéance. Ce que le mouvement nationaliste et néo-fasciste Ordre Nouveau veut rappeler avec fracas. À l'occasion de son troisième congrès, l'organisation qui a servi de couveuse au tout jeune Front National lance une large campagne de communication au mot d'ordre sans détour, halte à l'immigration sauvage. Son secrétaire général Alain Robert le martèle lors d'un meeting organisé à la Mutualité à Paris le 22 juin, comme le rapporte Interactualité. La campagne contre l'immigration que nous entreprenons sur le plan national est avant tout une campagne d'information. Nous parlerons dans les principales villes de France. Nous distribuerons des dizaines et des centaines de milliers de tracts. Nous collerons des milliers d'affiches comme nous avons commencé déjà à le faire. Nous organiserons une vaste campagne de pétitions pour exiger l'arrêt immédiat de toute immigration pendant un an. Parmi les travailleurs immigrés, les inquiétudes sont fortes, à juste titre, car moins de 20% d'entre eux peuvent présenter le sésame du contrat de travail. Il faut dire que les habitudes patronales penchent plutôt pour le travail au noir. Quant au logement de ces travailleurs, ce sont surtout bidonvilles en périphérie et taudis en centre-ville. À Paris, comme en province, les travailleurs nord-africains, principaux concernés par les circulaires Marcelin Fontanet, tentent de réclamer le droit de vivre dans une situation plus régulière. Égalité, Ainsi, lors du week-end de la Pentecôte, les 10 et 11 juin, 200 manifestants, principalement tunisiens, parcourent ainsi les ruelles médiévales de la ville de Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Et ils sont dispersés à la lance à incendie sur ordre du maire. Mais ce n'est pas tout. Quelques heures plus tard, les CRS délogent à la matraque les quelques manifestants qui déambulaient encore dans le centre-ville. Et ils sont aidés dans leur tâche par des commerçants, des artisans grassois. Armés de bâtons, ceux-ci se lancent dans une chasse à l'immigré qui durera toute la soirée et une partie de la nuit. Bilan, 5 blessés graves et 200 arrestations. Voilà, c'est dans ce contexte chauffé à blanc qu'un drame va provoquer le basculement des événements dans une folie raciste meurtrière. Nous sommes à Marseille, le 25 août de cette année 1973, il est 14h30. Un homme monte dans le bus 72 qui relie la place Bougainville à la promenade de la plage. Il composte son billet, va s'asseoir, puis se relève. Et là, il se dirige vers le chauffeur, un certain Émile Garlache, 49 ans, 4 enfants. L'homme sort de sa poche un couteau et lui tranche la gorge. Le sang jaillit sur le pare-brise. Et c'est la panique dans l'autobus. 4 passagers sont poignardés. Le véhicule heurte un terre-plein et finit sa route couché sur le flanc. Grâce à l'intervention d'un ancien champion de boxe qui passait par là en voiture, le forcené est maîtrisé et remis aux forces de police. L'agresseur s'appelle Salah Bougrine. Il serait arrivé d'Algérie à Nice en 68. On apprendra plus tard dans la presse qu'il a lui-même subi une agression à la hache, nécessitant une trépanation. L'homme serait jugé irresponsable de ses actes. Mais ce n'est pas la thèse de la folie qui est reprise par la presse nationale et locale. Non, plutôt celle de la sauvagerie intrinsèque des Arabes, c'est bien connu. Le matin des obsèques d'Émile Garlache, le 28 août, le journal Le Méridional publie à ses une un édito signé de la main du rédacteur en chef Gabriel Domenech, un incendiaire qui sera élu à l'Assemblée nationale sous les couleurs du Front National en 86. Assez des voleurs algériens, assez des casseurs algériens, assez des fanfarons algériens, assez des trublions algériens, assez des syphilitiques algériens, assez des violeurs algériens, assez des proxénètes algériens, assez des fous algériens, assez des tueurs algériens. Nous en avons assez de cette immigration sauvage qui amène dans notre pays toute une racaille venue d'outre-Méditerranée. À Marseille, Gabriel Domenech n'est pas le seul à éprouver des pulsions de vengeance à l'encontre des immigrés d'Afrique du Nord. Et en particulier, les nombreux sympathisants de l'OAS que compte la communauté des rapatriés d'Algérie. Alors, le lendemain du drame, un comité de défense des Marseillais, le CDM, est constitué. Derrière cette organisation, un ancien LOAS, un temps exilé en Espagne, qui est revenu à Marseille pour mener une carrière politique dans le sillage du maire socialiste Gaston Defer. Un certain Théo Ballas, qui restera l'un des hommes forts de la Fédération PS des Bouches-du-Rhône jusqu'au début des années 2010. Mais pour l'heure, il s'agit pour lui de profiter de la tragédie du meurtre de ce chauffeur de bus et de laisser libre cours au désir de vengeance de ses affidés. Le lendemain des obsèques d'Émile Garlache, le comité de défense des Marseillais appelle à manifester. Et ce, en dépit des appels lancés par les différents syndicats de la société de transport marseillaise à ne pas instrumentaliser le drame. C'est même dans les rangs serrés des 5000 personnes qui accompagnent le chauffeur de bus vers sa dernière demeure que le CDM distribue ses tracts où l'on peut lire « Marseille a peur ». La préfecture de police interdit toute manifestation, ce qui n'empêche pas les partisans du comité de défense des Marseillais de se rassembler en face du Vieux-Port le 29 août en fin de journée. Au micro de France Culture, Mustapha Mohammadi, ancien militant du mouvement des travailleurs arabes, raconte ce qu'il a vu ce soir-là en se promenant dans les rues de Marseille. C'était le rassemblement le lendemain de l'assassinat de chauffeur de bus qui a été tué par un Algérien malade. Je vois un rassemblement et je me mets là, discrètement. Et puis ça a hurlé, ça a crié, je n'arrivais pas à distinguer les mots d'ordre, etc. Puis d'un seul coup, je vois des gens ils exhibaient leurs flingues, d'autres ils avaient leurs fusils, les bicous dehors, les arabes dehors, etc. Et c'est là où je suis reparti, j'ai pratiquement presque en marche arrière pour qu'on ne me reconnaisse pas, pour qu'on ne me voit pas. Carrément, je suis rentré m'enfermer dans une chambre lugubre, attendre le lendemain matin. Et c'était le grand rassemblement de le groupe Défense des Marseillais qui était allié à l'époque à Ordre Nouveau. C'était l'extrême droite qui appelait au meurtre. L'extrême droite appelle au meurtre. Le drame, c'est qu'elle a déjà été entendue. Le soir même de la mort du chauffeur de bus, le 24 août, en effet, on retrouve un corps criblé de plombs chevrotinés de balles de gros calibre, celui de Rachid Moukka. Le 26 août, Saïd Aounallah tombe lui aussi sous une rafale de balles. Son corps sera découvert en centre-ville, près d'un dépôt de la compagnie de bus municipale pour laquelle travaillait Émile Garlache. Le même jour, Abdelwahab Emahoum est tué à coups de planche sur le Vieux-Port. 26 août toujours, on ramasse près d'Aix-en-Provence un homme inanimé présentant un enfoncement du crâne, Mebarki Amou. Il décédera 3 jours plus tard. Le 28 août, dans le quartier Saint-André de Marseille, Saïd Chilas reçoit un coup de couteau mortel. Le même jour, après le dîner, un jeune homme de 16 ans, Lounes Ladji, sort de son quartier de la Cacale, Calade. Ils ne sont pas nombreux, les Algériens, à oser prendre l'air à la tombée de la nuit. Dans ce climat de terreur, alimenté par les manifestations haineuses et les morts qui s'égrènent, la plupart des immigrés et leurs familles restent terrés chez eux. La suite, c'est le frère de Lounes qui la raconte à un reporter de la RTBF, la télévision belge, venu quelques semaines après ces flambées de violence qui gangrènent Marseille. C'était 20h. Il mangeait avec nous, tu vois. Il mangeait, puis après il a mangé, il est sorti de la maison. Ma mère lui a dit de rentrer, il n'a pas voulu rentrer, il est parti. Il y avait 2 voitures, une BMW 403, elle faisait des tours. Il a remarqué qu'il était seul. Ils l'ont appelé, ils ont demandé une adresse, un renseignement, ils ont tiré sur lui. Ils l'ont blessé à l'épaule. Et puis ils ont fait la marche arrière, ils ont filé 2 balles. Ils l'ont achevé. Voilà. Lounes Ladji, le 6e Algérien assassiné en 5 jours. Et il faudra encore déplorer la mort de Bensaha Merkernef, blessé le 30 août dans le 1er arrondissement, et décédé des suites d'une fracture du crâne le 2 septembre. En tout, 7 agressions mortelles entre le 24 et le 30 août, sans compter les dizaines de bouteilles incendiaires lancées contre des cafés-hôtels, des bidonvilles, des foyers Sonacotra, et les coups de fusil tirés depuis des voitures qui font le tour des quartiers habités par les Arabes, et les lynchages publics. Mais si elle concentre les drames, Marseille n'est pas la seule ville concernée par ces attaques et ces crimes racistes. Plusieurs rixes éclatent entre groupes de jeunes maghrébins et autochtones à Juan-les-Pins, à Olioul, près de Toulon, à Nice. Dans la nuit du 27 au 28 août, une 50aine de paras du 9e régiment de chasseurs parachutistes de Toulouse se livrent également à des ratonnades au cœur de la ville rose. Les blessés sont nombreux et principalement algériens. Bref, l'effroi s'est emparé de toute la communauté immigrée d'Afrique du Nord. On ne sort plus de chez soi, sauf en rasant les murs. On évite les transports en commun. Mais la colère et la révolte grondent également. روح ثاب للزقري فساد. شغلنا وبيري مرح بس وينيد وما ينهم ديري ما قالي غنين ويغن كوني مصرك تمدي مرح بس وينيد وما ينهم ديري ما قالي غنين ويغن كوني مصرك Inter. Affaires sensibles. Le 31 août, une grève éclate sur les chantiers navals de la Ciotat. 1500 ouvriers débraient. Le lendemain, en début d'après-midi, le cercueil du jeune Lounès Ladj est transporté par sa famille jusqu'au bateau qui doit ramener sa dépouille en Algérie. Du quartier de la Calabre jusqu'au port, des centaines de personnes se joignent au cortège funèbre. Le portrait du jeune est distribué de main en main, mais pas dans banderole, ni de slogan, non, la foule est silencieuse. Au bout d'une marche muette de 7 km, elle parvient en bord de mer. Driss El Yazami témoigne de ce moment dans le documentaire Marseille 73 du collectif Média Union Urbaine. On a traversé la ville et la foule, progressivement, les gens venaient se joindre là le cortège, et sur au port à la Joliette, sur le cercueil, Hamoud appelle à la grève. On est donc le 1er septembre, donc je me rappelle. Oui. Sur le cercueil, là il y a quelques, en fait je pense qu'en appelant il y a eu une sorte de comment dire, c'est là où on a vu le mouvement, c'est-à-dire que les personnes qui étaient là se sont transformées en fait en militants de la grève générale pour le lundi 3 septembre. Driss El Yamazi, que vous venez d'entendre, est l'un des animateurs du mouvement des travailleurs arabes MTA. C'est cette organisation qui coordonne la riposte des travailleurs immigrés. Créée au début de l'année 72 par des travailleurs et des étudiants originaires du Maghreb, elle est proche des milieux d'extrême gauche, d'obédience marxiste et influencée par les penseurs des nationalismes arabes. Beaucoup plus radicale que l'amicale des Algériens en Europe, noyautée par le gouvernement algérien et soucieuse de construire des relations pacifiées avec le gouvernement français. Le MTA, lui, dénonce le racisme avec vigueur et veut surfer sur l'importance qu'ont pris les travailleurs immigrés dans l'économie française. Le mot d'ordre de grève générale est lancé pour le lundi 3 septembre. Il faut maintenant le diffuser. Dès 4h30 du matin, ce lundi-là, les militants du MTA, des partisans d'extrême-gauche et des membres de la CIMAD sont sur le pont. Ils sillonnent les bidonvilles et les quartiers habités par les immigrés. Ils se rendent aux arrêts de bus pour convaincre les travailleurs de ne pas se rendre au travail. Immigrés comme français, la solidarité face à ces crimes racistes doit se faire entendre, argumente-t-il. Et 30 000 ouvriers de la région marseillaise les suivent. Les militants du MTA et leurs alliés se félicitent du succès de leur mouvement. Et ils pensent déjà à la suite. Mais tout ce petit monde est surveillé de près par les services de police qui veulent briser les actions de ces agitateurs. Un homme est particulièrement dans le viseur des autorités, Berthier Perrego. Il est suisse et pasteur. Et depuis 5 ans, il est arrivé à Marseille comme équipier de la CIMAD, cette association dont l'acronyme signifie, rappelons-le, Comité Intermouvement auprès des évacués et qui, dans les faits, veille sur eux. Le lendemain de la grève générale, la police sonne au domicile du pasteur à 6h du matin pour lui signifier son avis d'expulsion. Berthier Perrego quitte alors Marseille, contraint et forcé pour sa Suisse natale. Il ne remettra un pied sur le territoire français qu'en 1981, quand Valéry Giscard d'Estaing signera la levée de son expulsion. Deux autres étrangers militants des droits des immigrés seront aussi expulsés. Cela n'empêche pas le mouvement de grève de s'étendre. Le 4 septembre, les ouvriers toulonnais débraient à leur tour. Le rendez-vous national, lui, est fixé au 14 du même mois. Fort du succès de leur mouvement, l'antenne marseillaise du MTA monte à la capitale pour prêter main forte. L'objectif est d'entraîner non seulement les ouvriers, les travailleurs immigrés, mais aussi les petits commerçants de la ville. Les militants distribuent des milliers de tracts et se postent aux portes des grandes usines comme celle de Renault à Boulogne-Billancourt. Mais le succès est mitigé. 2000 personnes dans les rues, des arrêts de travail, clairsemés. Pour les organisateurs de cette grève nationale, c'est surtout l'occasion de marteler un message dans les médias. L'un des leaders du mouvement des travailleurs arabes, dont le nom n'est pas annoncé à l'antenne, s'exprime ainsi dans le journal 22h de France Inter du 14 septembre. Ce qu'on espère, c'est démontrer d'une part qu'on est des travailleurs, qu'on enlève tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant sur on est des voleurs, des sales bicots, et puis nous savons que le peuple français n'est pas raciste, nous savons que les Français ne sont pas racistes. Notre but aussi, c'est que, parce que c'est aujourd'hui plus possible de se faire tuer, en 7 jours à Marseille, il y en a eu 7 qui ont été descendus. Là, aujourd'hui, je crois que c'est pas simplement une manifestation de colère, mais c'est aussi la prise de conscience qu'on est des travailleurs, qu'on n'est pas des tueurs. On n'est pas des tueurs. Cela semble fou, mais les travailleurs immigrés doivent le répéter. La presse n'est pas étrangère à cette diabolisation de la présence des étrangers sur le sol français. Le Méridional, on l'a vu, publie régulièrement des diatribes d'une violence inimaginable à l'encontre des étrangers. Le journal d'extrême droite Minute, lui, appelle tout autant la haine. Cela dit, les choix éditoriaux de la presse respectable ne sont pas en reste. Au début du mois de septembre, Paris Match, par exemple, couvre la mort du chauffeur de bus et ses conséquences. En ouverture de son long reportage, une photo grand format de l'homme assassiné baignant dans son sang. Et, dans le chapeau de l'article, ce petit résumé en haut de page, ses interrogations. Les Français sont-ils racistes? Les bicots, entre guillemets dans le texte tout de même, sont-ils dangereux? Et au fil du reportage, la parole d'un Marseillais qui dit « Si ça continue, les enfants finiront par parler arabe. Croyez-moi, il faudrait en tuer quelques-uns. Ici, ce sont les rois. Si ça continue, les enfants finiront par parler arabe. » Une sorte de grand remplacement avant l'heure. Dans la foulée, le Nouvel Observateur sonde ses lecteurs. « Peut-on vivre avec les Arabes ?» s'interroge l'hebdomadaire classé à gauche, qui commande un sondage. La réponse est non, à 62%. Si la presse prend à bras-le-corps, à sa manière, la vague raciste qui enflamme Marseille et ce qu'elle symbolise, le personnel politique se montre, lui, bien discret. Certes, le ministre des Affaires étrangères reçoit pendant une demi-heure, le 31 août, l'ambassadeur d'Algérie en France, et le président Pompidou adresse le même jour un message au président algérien Houari Boumediene pour lui dire sa forte émotion. Bien, mais les exactions contre les Algériens se poursuivent. Et les autorités françaises n'entreprennent aucune action concrète pour les arrêter. Le gouvernement algérien, lui, choisit la manière forte pour riposter. Le 19 septembre, le Conseil de la Révolution annonce la suspension de toute émigration vers la France. Une décision commentée dès le lendemain dans l'émission de télévision Actualité Méditerranée. À Marseille, la décision du gouvernement du président Boumediene a été accueillie plutôt favorablement par les deux communautés. Ainsi, le comité de défense des Marseillais, constitué au lendemain du meurtre du traminot Émile Gerlache, se déclare satisfait de la mesure prise par l'Algérie, tout en faisant remarquer que l'arrêt de l'émigration ne fera pas disparaître l'immigration sauvage. De son côté, la délégation régionale de l'Amicale des Algériens en Europe, qui regroupe 40% des travailleurs algériens des Bouches-du-Rhône, approuve cette décision. La délégation régionale de l'Amicale des Algériens en Europe a accueilli avec satisfaction la décision du Conseil de la Révolution et du gouvernement algérien relative à la suspension du contingent de l'immigration algérienne. Elle traduit l'émotion légitime de l'ensemble de l'immigration algérienne devant la recrudescence des actes racistes et du climat d'insécurité dont elle fut victime durant la période du 25 août au 10 septembre 1973. Les seuls à déplorer publiquement cette décision sont les patrons des Bouches-du-Rhône. Localement, on alerte sur les difficultés de recrutement auxquelles pourraient faire face les entreprises, du bâtiment en particulier. Alors on commence à réfléchir à des solutions alternatives. On parle d'utilisation des travailleurs étrangers sur leur lieu d'origine via des sous-traitances. parce que le ministère des Affaires étrangères algérien a clairement énoncé la menace. Si les crimes racistes se poursuivent et que les ressortissants algériens continuent à risquer leur vie en France, le gouvernement algérien organisera le rapatriement de tous ses ressortissants. Le gouvernement français, lui, ne semble pas craindre de péril pour l'économie nationale. Le ministre du Travail estime en effet qu'il n'y a pas lieu de s'émouvoir et que, quoi qu'il en soit, le contingent de travailleurs étrangers est atteint pour cette année 73. Mais un homme politique fait figure d'exception, Louis Ternoir. Résistant, gaulliste de gauche, il était deux fois ministre sous le général. Une autorité morale. En 73, il préside l'association de solidarité franco-arabe. Et c'est en son nom qu'il prend la parole le 25 septembre au cours d'une conférence de presse. Il s'agit pour nous de préserver l'honneur de l'immense majorité des Français qui éprouve une réprobation très vive contre tout attentat ou fait d'origine raciste. Nous avons décidé, lorsque un crime, par exemple, peut être considéré comme d'origine raciale, il faut évidemment y voir clair, il faut l'isoler de ce qui peut être un méfait crapuleux, lorsqu'il est d'origine raciale, comme ça a été manifestement le cas à Marseille dans la semaine qui a suivi la tragédie lamentable du tramway, l'assassinat d'un traminot du fait d'un dément, eh bien, nous avons chargé des avocats de se porter partie civile, d'être en quelque sorte le mandataire des familles algériennes dont un membre a été tué. Ternoir active le bras de la justice pour préserver l'honneur des Français. Les mots sont forts et ils sont largement commentés. Quelques jours plus tard, un journaliste sollicite une réaction du président de la République, Georges Pompidou. La France est profondément antiraciste. Le gouvernement français est fondamentalement antiraciste. Et tout ce qui ressemble au racisme, nous l'exécrons. Cela dit, il y a dans tout cela ce que je me permettrai d'appeler un bruit inconsidéré. Si l'on fait la liste des attentats entre Algériens et Européens, dans les deux sens d'ailleurs, si l'on fait la liste de ceux où on n'a pas trouvé les coupables et de ceux où on les a trouvés et traduits en justice, on s'aperçoit qu'il y a finalement bien peu d'actes qui puissent être suspectés, même indirectement, de réactions racistes. Le déni au plus haut sommet de l'État. Cinq hommes sont encore assassinés. Puis le 14 septembre 73, une bombe explose au consulat d'Algérie faisant quatre morts et une vingtaine de blessés. Cet attentat est revendiqué par un mystérieux groupe autodénommé Charles Martel en référence à celui qui a battu les Arabes à Poitiers. Une enquête est ouverte, mais elle n'aboutira pas et les auteurs ne seront jamais identifiés. Sur ces 17 assassinats, tous perpétrés sur des hommes originaires du Maghreb, et les centaines d'autres agressions dirigées contre leurs compatriotes, le tout en moins de 3 mois, très peu de lumière sera faite. Pour documenter ces crimes et leur impunité, une sociologue toutefois, Rachida Brahim, s'est plongée dans les archives des préfectures de police et des tribunaux. Et elle a tenté ainsi d'en retracer le cours judiciaire. Au micro de la journaliste Hajer Ben Boubaker, sur France Culture, elle explique comment ces affaires sont sorties du champ de vision de la justice. Toutes ces affaires-là ne sont pas suivies de poursuites judiciaires. La blanquette ne va pas au bout, et quand elle va au bout, elle annule complètement le caractère raciste des faits. Et après, donc, il y a non-lieu, acquittement, peine légère avec sursis. En 70, j'ai strictement rien trouvé, parce que les archives en fait judiciaires aussi sont... On en supprime une bonne partie, donc c'est très dur à retrouver. Mais le rapport de police lui-même montre qu'il n'y a pas d'affaire, en fait. Il n'y a pas d'affaire. C'est un incident impliquant un Nord-Africain. Rachida Brahim a intitulé le livre rassemblant ses recherches « La race tue deux fois ». Ces hommes sont morts parce qu'ils étaient arabes. Et la justice, comme les services de police, ne s'est pas penchée sur ces crimes parce que ce n'étaient que des arabes. Mais un cas fait exception, celui de Lounes Ladji, le jeune garçon de 16 ans, abattu de 2 balles à bout portant dans son quartier le 29 août. À l'époque des faits, la police ne croit pas devoir investiguer plus avant sur ce meurtre. Et la presse sous-entend que le garçon aurait été poursuivi l'année précédente pour vol de cyclomoteur et de voiture, donc affaire classée. Évidemment, la famille de Lounès ne l'accepte pas, ses frères en particulier. Ils mènent de leur côté une véritable enquête, épaulée par un ancien gendarme. Et ils retrouvent des témoins, confondent les propriétaires des voitures aperçues sur les lieux du drame. Face à l'accumulation de ces preuves, un homme finit par être inculpé. Il s'agit d'un sous-brigadier de la police marseillaise, François Canto. Rapatrié d'Algérie, il déclare, dans des propos rapportés par le journal Le Monde, avoir voulu se venger parce que, selon lui, des musulmans avaient importuné l'une de ses filles. A-t-il agi seul ou avec des complices ? Les témoins évoquent la présence de quatre hommes sur la scène du crime. On ne le saura jamais. François Canto meurt deux mois plus tard à l'hôpital de la prison des Baumettes. Au final, la seule justice rendue l'a été à la mémoire. Aujourd'hui, en effet, sur les murs de Marseille, à l'endroit où ces Algériens ont été assassinés, ont fleuri de petites plaques de bois, l'œuvre d'un artiste de rue marseillais anonyme. Sur chacune d'elles, un court texte qui dit, écrit façon colonne verticale, vous savez, c'est juste deux mots. Retenez bien la première lettre du premier mot de chaque petite phrase. En août 1973, notre ville, Marseille, est entaché de meurtre, oublié, ignominie, raciste, excusé. À la verticale, avec les premières lettres de chaque mot, on peut lire l'expression « en mémoire ». راح لك الزمان غاب خيال وما بان وانا مازال في بالي خطرات يبان لي كل منام خطرات نشوف قبالي خطرات يبان لي كل منام خطرات نشوف قبالي Thank you. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, meurtre raciste à Marseille, notre invité Dominique Manotti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne et vous êtes également autrice de romans policiers. L'un n'empêche pas l'autre. La fiction et le réel, parfois c'est un mariage heureux. En tout cas, vous avez plongé votre héros, le commissaire Daquin, que les fidèles de votre œuvre connaissent, dans cette période trouble, justement, et vous en avez tiré un polar intitulé Marseille 73, directement inspiré des faits que nous venons de vous raconter. D'abord, comment êtes-vous tombé sur cette histoire ? Eh bien, tout à fait par hasard, j'étais très militante dans les années 70-73, à Paris, je suis parisienne, et je n'avais jamais entendu parler de cette histoire. Donc, quand pour rédiger un autre roman policier, je me suis plongée dans la presse marseillaise de 73, je suis tombée par hasard sur les rubriques de faits divers, dans lesquels les morts maghrébins et algériens s'entassaient les uns après les autres. Vous avez dit 7 en une semaine, 15 en 3 semaines, ça faisait vraiment beaucoup. À chaque fois, c'était règlement de compte probable entre co-religionnaires, commentaire de la presse, seul ouais. Commentaire de la presse. Il y avait aussi l'un d'eux tombé dans le Vieux-Port, accident ou suicide. Bon, c'était absolument incroyable. Le déni habituel de ces années-là. Le déni habituel, on ne veut pas accumulé. Voir. On ne veut pas voir, et il y en a beaucoup. Et là, si vous voulez, en gros, ma mécanique intellectuelle, la raison pour laquelle j'écris un roman, c'est parce qu'il y a une situation concrète que je ne comprends pas, et je veux la comprendre. Et pour moi, le meilleur moyen de la comprendre, c'est d'en faire un roman. Voilà, c'est le fameux mariage de la fiction et du réel. Exactement. Que nous aimons beaucoup ici dans Affaires Sensibles d'ailleurs. Parce qu'on fait tous les vendredis une fiction adossée au réel. Bref. Voilà. Donc, exactement. Donc, je me suis plongée là-dedans. Et je ne regrette pas, ça a été une expérience absolument incroyable. Bon, mais la fiction, ce n'est pas tous les vendredis. Hein. Je corrige. Bien. Cette affaire est une conséquence de la guerre d'Algérie et des accords d'Évian, on peut l'affirmer. Ah, de la guerre d'Algérie, c'est absolument certain. Des accords d'Évian, ça, je ne sais pas exactement. Avec l'OS qui ne digère pas et qui s'en prend. Ah oui, c'est ça. La guerre d'Algérie comprise au sens global, si vous voulez. Bon, c'est clair. C'est la crise de la décolonisation. Ça, c'est absolument évident. Et si vous voulez, c'est dans ces années-là qu'il se passe une mutation extrêmement importante. Ce qui enclenche la mutation, c'est 68. 68 avec, face à la montée gauchiste et gauche, extrême gauche, mouvement populaire de masse, l'amnistie totale de l'OAS. D'accord. En avril ou mai, enfin juste avant. Et là, si vous voulez, les exilés OAS reviennent. Beaucoup s'installent dans la région de Marseille, mais pas seulement, dans toute la France. Et il y a une reconversion, en quelque sorte. Ils s'installent désormais sur le sol national et ils vont faire désormais de la politique sur le sol national. Alors, ils reviennent avec toute leur expérience de la guerre d'Algérie. Ils sont profondément marqués par la pensée des militaires qui ont inventé la guerre contre-révolutionnaire, théorisé la guerre contre-révolutionnaire. Ça va faire partie de leur bagage. Ils vont raisonner en France comme ils avaient raisonné face aux colonisés en Algérie. Ils vont transférer en France leur vision du monde colonial. Alors, les faits se déroulent à Marseille. Alors, on l'a évoqué, vous avez dit, mais il n'y a pas qu'à Marseille. Mais là, en l'occurrence, c'est à Marseille. Quelle est l'importance du lieu dans cette histoire? Parce que, quelle est l'importance de Marseille dans cette histoire? Alors, ça fait toujours une mauvaise publicité à Marseille que de parler de ces choses-là, parce qu'à Marseille, il se passe aussi bien plein de choses intéressantes. Mais il y a un problème, là. Il y avait un problème. Est-ce que c'était spécifique à Marseille, plus que dans d'autres villes? Il ne faut pas oublier qu'il y a eu sur la France entière une cinquantaine de morts dans cette période. Voilà, donc c'est bien de le rappeler. Ah oui, absolument. On parle de Marseille, mais c'est un phénomène national. À Marseille, ça a été plus rassemblé, si vous voulez. Mm-hmm. Là, sur la France entière, la cinquantaine de morts, ça se passe sur 3 ou 4 mois. Mais il y a eu une cinquantaine de morts sur la France entière. Donc là, il ne faut pas du tout l'oublier. Marseille, c'est un peu un point focal parce qu'il y a beaucoup de travailleurs immigrés et sur beaucoup d'OAS. Proximité géographique avec le Maghreb, voilà, déjà. Et beaucoup de pieds noirs rapatriés et d'OAS, de militants OAS. Il ne faut pas l'oublier non plus. Mais ce n'est absolument pas un problème spécifiquement marseillais. Voilà, il fallait le dire, c'était important. On se retrouve dans 3 minutes, Dominique Malotti, après avoir écouté Donna Blue, Solitaire. Dominique Malotti, votre roman, donc Marseille 73, est sorti, a été publié en 2020. Comment est-il organisé? Parce qu'on a parlé de 7 meurtres et même de 15. Est-ce qu'il est organisé autour d'un meurtre ou de plusieurs? Non, il est organisé essentiellement autour d'un meurtre, celui de Ladj Lounès, parce que c'est le seul qui a donné lieu à des poursuites. Et puis une marche silencieuse. Et des poursuites. Oui, et qui a entraîné toute une série de mobilisations. Mais c'est aussi le seul qui a donné lieu à des poursuites. Pourquoi? Parce que les frères ont entrepris eux-mêmes une enquête. Il n'y a pas eu d'enquête policière. Mais les frères ont trouvé les voitures. Et chose absolument incroyable. Oui, on l'a évoqué, les assassins roulaient avec leur voiture et leur arme de service. En toute impunité, se croyant sachant qu'ils étaient couverts. Alors, couverts par qui? Ben, couvert par la police, couvert par la justice, couvert par tout le monde. Il n'y a aucune recherche, aucune. On arrête le responsable, l'assassin, on l'arrête parce que les frères l'ont trouvé. Ouais. Pas du tout pour une raison quelconque. Et ce malheureux policier... alors, il y a eu une réaction dans les réactions de la famille qui est tout à fait extraordinaire. Il est mort en prison. Oui. Bon. D'une crise cardiaque. La réaction de la famille a été, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On nous dit qu'il a été tué, qu'il est mort, mais on le sait bien, il est pas mort, on l'a mis ailleurs. Bon. En vérité, il a dû mourir d'une crise cardiaque pour une raison très très simple. C'est que quand il est entré en prison, il était cardiaque. Soigné depuis extrêmement longtemps. Le choc carcéral aussi, peut-être. Surtout le fait qu'on ne lui a pas donné ses médicaments. Ah, attendez, ça veut dire qu'on ne lui a pas donné ses médicaments dans l'espoir que, bah, qu'il allait mourir, quoi. Absolument. D'accord. Absolument. C'était quelqu'un qui en savait quand même beaucoup. Mmh. Il y a eu une tribune libre de sa fille dans la presse marseillaise là-dessus. Mmh. On lui a dit ensuite que peut-être que c'était aussi bien qu'elle ne fasse pas un scandale énorme sur la question. Mais elle s'est exprimée clairement. Elle a exprimé clairement le fait qu'il n'avait jamais reçu ses médicaments en prison. D'ailleurs, vous décrivez le marigot que constitue l'évêché. L'évêché, c'est le siège de la police marseillaise. Oui, c'est le commissariat central à l'époque, oui. Et alors, c'est vraiment un marigot, c'est un marigot, je ne sais pas si je pleurais cette expression, mais c'est un lieu très, très complexe, ouais. À l'image de la société marseillaise elle-même. Il ne faut pas oublier que Marseille est une ville exceptionnelle du point de vue du banditisme, quand même. Ce n'est pas une ville exceptionnelle du point de vue du racisme. On trouve du racisme partout en France, mais on a peu trouvé de gangs aussi bien organisés que la French Connection. Et il ne faut pas oublier non plus que quand naît le SAC, l'organisation gaulliste, oui. Qui va servir d'épine dorsale au mouvement gaulliste et qui va finalement permettre à De Gaulle de revenir au pouvoir, le SAC est organisé à Marseille en liaison entre un militant politique, Pasqua, et les frères Guérini qui gèrent la French Connection. Et un crime... crime épouvantable, qu'on appelait la tuerie d'Auriol, et Auriol, c'est à côté de Marseille. Oui, c'est le SAC de Marseille. C'est, ça, oui, c'est pour ça que je vous en parle. Absolument. Mais les origines sont très très mêlées au milieu. Donc ça, c'est quand même une spécificité forte de Marseille, si vous voulez. Alors vous avez rencontré des protagonistes de cette histoire après la sortie de votre livre, et il en a été fait un documentaire, intitulé Marseille 73, réalisé par Média Union Urbaine. Pas encore diffusé, c'est bien ça? Non, on cherche à le diffuser. D'accord. L'appel est lancé. Bon. Voilà. On a entendu quelques extraits dans le récit. Qu'avez-vous appris de plus avec ces rencontres après, puis le documentaire? J'ai appris. Alors déjà, si vous voulez, la chose vraiment passionnante et qui m'arrive pour la première fois, c'est que tous les gens qui figurent dans le roman et qui sont évidemment des personnages de roman, mais agissant dans des faits réels, c'est ma technique romanesque, si vous voulez, tout le monde m'a téléphoné. Ah, c'est bien. Ah oui, c'est une chose absolument surprenante. Tout le monde m'a téléphoné. Comme tout le monde, c'est qui? Tout le monde, le pasteur, Driss El Ghazami, la famille du jeune homme. Les protagonistes du récit, quoi, en gros. Tous ceux, oui, absolument. Qu'on a évoqué. Celui qui a fait les panneaux au nom des assassinés. Voilà, c'est généralisé. Allez. Et il y avait un besoin de parler incroyable. Un vrai besoin de parler. Alors, on a fait ce documentaire où on les a fait parler. Et... ce que moi j'ai appris, si vous voulez, alors j'aurais pu le savoir étant historienne de formation, mais là je l'ai vécu vraiment, c'est à quel point, si vous voulez, on impose à ces gens le silence et ils ont absolument besoin de parler. Il faut s'exprimer, communiquer pour faire histoire. Mmh. Ils ont récupéré l'histoire de ce meurtre à travers la rencontre et l'expression dessus. C'était impressionnant. Il y a la nièce du jeune homme assassiné qui m'a dit « Maintenant, je me sens fière de cette histoire. » Jusque-là, c'était le silence écrasant. Libération par la parole, soulagement par la parole. Et faire histoire. La mémoire. Faire histoire, c'est-à-dire réaliser que cet assassinat était à l'origine des grèves du MTA. Ouais. Jamais ils ne l'avaient pensé dans la famille. Jamais ils ne l'avaient imaginé dans la famille. Vous voyez ? Et tout d'un coup, se dire, nous avons notre place dans cette histoire. Et c'est là que j'ai découvert à quel point la politique consiste, remarquez, quand il y a des tueries de masse d'Algériens, de Maghrébins, etc., on ne sait jamais le nombre exact de morts. Bien sûr. Jamais. Quand il y a des quantités de prisonniers, il y a des disparitions en masse. Évasion, il a été libéré. Il y a systématiquement des outils pour briser la mémoire possible. Ça, c'est très, très impressionnant. Et moi, je l'ai compris dans cette rencontre. J'ai compris dans cette rencontre à quel point les gens avaient besoin de parler. Mais après avoir écrit le livre, ça qui est formidable. Après avoir écrit le livre, absolument. Quel est votre regard sur le combat mené contre le racisme dans notre époque contemporaine? Parce que ça a commencé déjà par la loi Guesso. Et puis évidemment, beaucoup plus de vigilance qu'avant, même si le problème n'était évidemment pas réglé. Enfin, il y a eu des progrès. Quel est votre regard là-dessus? Non, je ne pense pas qu'en ce moment, on soit dans une période de progrès. Je pense qu'en ce moment, on est dans une période de remontée forte. Ouais. Et pour moi, la raison essentielle, c'est qu'il y a deux raisons, je vais vous dire. La première, c'est qu'on n'a pas encore fait vraiment l'histoire de cette période. Ça commence. Mais vraiment, pendant 30 ou 40 ans, sur la guerre d'Algérie, ça a été le déni total. Silence, déni. Bien, on retombe sur l'utilité de la mémoire. Et le deuxième, parce que je vous bouscule un peu parce que ça va terminer, la deuxième raison c'était quoi? Donc on a dit Algérie, donc le travail de mémoire sur la guerre, c'est la première chose, et la seconde que vous voulez? Et la deuxième, c'est que c'est le réflexe petit blanc. On est maintenant à la troisième, quatrième génération. Quoi qu'on pense, et même si la situation reste extrêmement difficile pour les travailleurs immigrés, il y a une progression considérable. Ils sont présents dans les élites françaises. Absolument. Et ça, c'est insupportable. Pas pour moi. Non, j'ai bien compris. Dominique Malotti, autrice du roman donc. Marseille 73, merci de votre présence. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui Crime raciste à Marseille, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Henri Bérec.